J'suis en chrome, j'ai le cœur tout en chrome. Un temps d'entre sont partis en attendant que Dieu les sauve. J'me souviens de ces nuits blanches, moi et MK dans la zone. J'avais jamais vu autant d'étoiles, à part quand j'suis dans le fantôme. À bas les putains de fraudes, ouais, à bas les putains de fraudes. J'ai vu leur vrai visage, ouais, j'ai vu leur vrai visage, ouais. Quand j'avais le dos tourné, j'ai des idées noires dans la night. C'est les mêmes qui reviennent dans la journée, ils ont oublié que là vous pouvez tourner. Ils vont me mentionner dans la story, comme s'il y avait aucune story. Mais y'a plus de place pour les sorties. Bébé, car mon cœur est chromé, comme le métal que j'ai dans la paume. Je ne parle que de ce que je connais, je ne parle que de ce que je connais. Tout ce que je connais. Ce que je connais, même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en hausse. Yeah, yeah. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. Je garde le témoin que j'ai le tracker. Porte de la chapelle, je vois les crackers. En double appel, j'ai le comptable. J'entends le fixe, je réponds pas. Wesh. J'suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. Wesh. Sur mon marte comme Aznavour. On pense pas à ce qu'on dit pendant la guerre. Et encore moins à ce qu'on dit pendant l'amour. J'ai grandi là où les chiens ont peur des rats. Là où les chrétiens jurent Wallah. J'espère que le ciel nous pardonnera. J'suis pas l'aîné de la famille, mais celui qu'on appelle quand y'a Heja. Quand je vais mal, j'écoute du peur. Quand je vais bien, j'écoute du peur. Je te parle de ce que je connais, tout ce que je connais, tout ce que je connais. Ce que je connais, même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en hausse. Yeah, yeah. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Sur le cœur.